Et Antoine, tu te souviens, la cour nous paraissait si grande, on parsemait de fous rires même les plus longs des silences, des bocs de marrons sur le sol, on courait sans savoir où aller, on se foutait de savoir ce qu'était la mode, un peu primaire, on pouvait se battre pour un paquet d'autocollants, l'époque des pogs, les Pokémon, les gols volants, maintenant je fais le tour de la cour en quelques pas, c'était le bon vieux temps mais on ne savait pas, hein. Et Robin, tu te souviens, le temps des premières soirées, on mettait du rap à fond, les autres nous prenaient pour des tarés, on taclait sur le béton, à s'en racler les genoux, on s'est vite rendu compte que les filles étaient pas pareilles que nous. Les premières erreurs, les premiers collègues, les premiers écarts, les premières tentatives de drague avec nos têtes de tétards. Par fierté, on étouffait les cris du cœur, on grattait des pièces avec une règle sous le distributeur. Et Marion, tu te souviens, l'odeur de clope au bout des doigts, les chevaliers avec des scooters devenaient des rois. Les cheveux lissés, les parfums, le maquillage, l'époque du stress, des fausses promesses, des premières fois. On construisait l'avenir à coups de tes pas cap. Tu rêvais d'être journaliste et moi d'être une star du rap. On s'est promis qu'on se marierait si on trouvait pas mieux. Je fais en sorte que nos au revoir ne se transforment pas en adieu. Non. Ni un adulte, ni un ado, j'essaie de garder la tête sur les épaules la trace du sac à dos. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Ni un adulte, ni un ado, j'essaie de garder la tête sur les épaules la trace du sac à dos. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. De nos vacances à parler tous les soirs sur la pointe des pieds quand on passait par le couloir, le divorce de tes parents, ton poster de Zidane géant, notre semaine à La Rochelle, j'avais jamais vu l'océan. Je l'avoue aujourd'hui, au foot tu mettais à l'amende, on noyait tous nos doutes dans le fond d'un sirop à l'amande. Les tours à vélo, les kilomètres de sparadrap, tu bougeais déjà la tête sur mes textes un peu maladroits. Et Sarah, tu te souviens, ta veste rose un peu trop grande, seule devant le portail quand on oubliait de venir te prendre. Il te chambrait sur tes lunettes, je crois qu'il regrette franchement. Quand je vois comment te parle ton prince charmant. Et Nassim, j'oublie pas nos heures de colle interminables, nos blagues, nos techniques de triche et de drague un peu naze, perdu puissance expliquée, pourtant la vie suit son cours. J'espère que ton petit frère t'a dit que je te passais le bonjour. Eh hey Jimmy, rappelle-toi de nos dimanches, nos blagues au téléphone, dans le cinéma, la tête des gens quand on parlait trop fort. Le monde paraissait à notre portée, on imaginait le prénom des passantes qu'on n'osait pas aborder. Et gars, je repense à nos fous rires et nos petites paniques, la fatigue, les cours de théâtre, de 6 à 8, le foot avec ton père, le tournoi que tout le monde attendait. On se croise deux fois par an, pourtant rien n'a changé, non. Ni un adulte, ni un ado, j'essaie de garder la tête sur les épaules la trace du sac à dos. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Ni un adulte, ni un ado, j'essaie de garder la tête sur les épaules la trace du sac à dos. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Au début de la musique, j'étais sceptique. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me sortir encore là? Ça chante dans tous les sens. Ça fait vraiment genre, tu sais, ça fait le qui imite le son et qui fait la démarcation entre le Big Theory d'avant et ceux de maintenant, tu vois. Après, j'ai peur qu'il y ait des gens, je vais vous dire, j'ai peur qu'il y a des gens qui pensent que votre gain de maturité, il est surjoué, tu vois. Alors, tu trouves que ça fait mature, ça dépend, ça passe trop d'années, moi, ce son. Ah non, justement, le son, par contre, est vraiment très bon, par contre. Ça, c'est... Tu dis ça parce que t'as ta dédicace, pourquoi non?